de l'essayer de me faire taire. Des fois l'envie me guette de quitter cette planète, de tout abandonner, de fuir cette destinée. Est-ce un problème politique?